travaille dans cette usine-là, ça fait 20 ans que je suis là. Si ça ferme, je sais pas ce qu'on va devenir. Ça fait des mois qu'on nous dit rien, on nous cache tout, faut qu'on endure. Mais ça se fait pas, traiter le monde comme ça. Je vois plus la route, j'écoute tout ce qu'on raconte. Des histoires qui tiennent pas de bout, qui viennent toujours du bout du monde. Encore une belle fin de semaine avant qu'on nous apprenne ça ferme. Encore une belle fin de semaine, fait comme s'il y avait pas de problème. Encore une belle fin de semaine dans la mire du mauvais temps. Tout près de l'usine, y a la rivière, rempli de promesses pour toi ma belle, pour les enfants, des rêves de chaque instant. Je sais plus ce qui nous attend, si le bonheur nous comprend. Tout ce qu'on a bâti, pour nous ça n'a pas de prix. J'ai fait le tour du village, du premier rang jusqu'au dernier. Devant le paysage, j'ai pas pu continuer. Encore une belle fin de semaine avant qu'on nous apprenne ça ferme. Encore une belle fin de semaine, fait comme s'il y avait pas de problème. Encore une belle fin de semaine dans la mire du mauvais temps. On fait attendre au bout de la ligne une petite musique pour patienter. Pendant que monte la grogne, je sens la terre bouger. Puis dans le journal, c'est à peine si on en passe d'un coin de pays, trop petit, trop loin, sur la carte, un point parmi tant d'autres. Encore une belle fin de semaine avant qu'on nous apprenne ça ferme. Encore une belle fin de semaine, fait comme s'il y avait pas de problème. Encore une belle fin de semaine dans la mire du mauvais temps. Dans la mire du mauvais temps.